Chapitre 46e. Depuis ses fiançailles avec M. Haldimand, Dulcie avait envisagé l'avenir sous un jour tout nouveau. Elle semblait renaître à la vie comme une fleur desséchée après une pluie d'été. Le soir même, et le cœur débordant d'émotions, elle était allée trouver Sir Everard dans sa bibliothèque et s'était jetée tendrement dans les bras de son père. Après un long épanchement, la barrière qui depuis longtemps s'était élevée entre eux tomba pour toujours. « Merci, mon Dieu !» s'était écrié Sir Everard en pressant sa fille contre sa poitrine, « de m'avoir rendu l'affection de mon enfant bien-aimé. « Je vous dirai, ajouta-t-il, car maintenant il ne saurait plus y avoir de secret entre nous, que j'écris à Morton pour solliciter de lui une dernière entrevue. Je désire que vous y assistiez. » Au même instant, une voiture faisait crier le sable de la cour d'honneur et s'arrêtait devant le perron. Une minute encore et Morton se trouvait en présence de Sir Everard et de sa fille. Il s'avança vers Dulcie, qui lui tendit la main. Au moment de quitter pour toujours l'Angleterre et de renoncer à toute attache, à tout intérêt terrestre, comme je suis sur le point de le faire, dit Sir Everard à Morton, je veux que vous appreniez de ma bouche la vérité sur la tragédie dont votre père et moi avons été les sinistres acteurs. Je ne vois pas, je vous l'avoue, Sir Everard, l'utilité de cette franchise rétrospective. Je sais tout. Il y a 6 mois, je n'avais qu'un désir. Celui de la vengeance, maintenant. Peut-être, maintenant que je suis mourant, vous êtes-vous décidé à me laisser descendre dans la tombe, sans vouer mon nom et mon souvenir à la honte, à l'exécration? Non, Sir Everard, non. Le meilleur garant de ma magnanimité est mon inaltérable attachement pour celle qui fut ma fiancée. N'êtes-vous pas d'avis de lui épargner ce pénible entretien? Hélas, il ne me reste plus rien à apprendre, dit Dulcie, d'un ton triste mais résigné. Le hasard m'a fait entendre le long récit de cet affreux drame domestique, je sais tout. Mais je n'en aime pas moins mon père, car son crime fut celui des autres plutôt que le sien. Il a tant souffert, il a été si malheureux, il est si à plaindre. Oui, Morton, mon ange médiateur a dit la vérité. J'avais pour votre père une amitié cordiale. Je me croyais pays de retour et ma confiance en lui était illimitée. Au lieu de s'en montrer digne, il s'est glissé comme le serpent dans mon paradis terrestre. Ce n'était qu'un vil séducteur de femmes, un voleur de cœur, un menteur, comme ils le sont tous. Un honnête homme eût épargné l'objet de son amour. Un homme comme lui le perdit. Écoutez, je vous prie, le récit de ce jour terrible, où, poussé par la passion de la jalousie et la soif de la vengeance, je sortis de Fairview jurant qu'avant la tombée du jour, l'un de nous aurait mordu la poussière de la route. Sir Everard, debout, s'appuyait contre la cheminée. Dulcie se tenait à côté de lui, la main posée sur l'épaule de son père en signe de protection et d'affectueuse sympathie. Plus pâle encore qu'à l'ordinaire, il reprit d'une voix triste et ferme. Après avoir passé une partie de la journée en chasse, j'attendis sur la route Walter Blake, décidé à lui demander raison de sa conduite inqualifiable. Inutile, je pense, de vous affirmer que je n'avais prémédité aucun projet de meurtre. J'étais aussi déterminé à risquer ma vie qu'à prendre celle du misérable qui avait transgressé à mon égard toutes les lois de l'amitié. Tout m'en donnait le droit, je dirais plus, m'en faisait un devoir. Sir Everard s'interrompit de nouveau. La chaleur avec laquelle il avait prononcé ces mots semblait l'avoir mis à bout de force. Dès qu'il eut recouvré son sang-froid, il reprit avec plus de calme. Il me rejoignit près du grand chêne de Blatchmardean. En voyant de loin Blake s'avancer vers moi, j'avais arraché un pieu de la haie et j'étais remonté à cheval, cette arme à la main. Vous deviez avoir l'intention de le tuer en prenant ce pieu. C'était en vue de la défense, aussi bien que de l'attaque. Je lui jetai à la face les invectives les plus injurieuses, les plus grossières. En un mot, je le provoquais. Il me répondit que la seule manière d'arranger les choses était d'avoir recours au divorce. Considérez froidement la situation, me dit-il, et avouez que nous sommes tous deux victimes d'une faute, dont la responsabilité retombe tout entière sur les parents avides et ambitieux de Lucie. Il nous est facile de faire entrer les choses dans l'ordre en reprenant de part et d'autre notre liberté. C'est le seul moyen de sortir de difficultés. Il en est encore un autre, misérable, m'écriai-je en l'appréhendant encore. Une lutte terrible s'engagea alors entre nous. Mais ma rage contre lui, terrible, sans merci, était bien autre que la sienne contre moi. Car lui n'était poussé que par une passion misérable, tandis que c'était mon honneur que j'avais à venger. « Vous tenez absolument à me tuer ? s'écria-t-il pendant que je le frappais la tête avec mon pieu. « Oui, ripostai-je, oui, je le veux !» Redoublant alors d'ardeur dans la lutte, il me cingla le visage avec son fouet. Je parvins à le lui arracher des mains. Puis je lui assenai un coup si violent sur le crâne qu'il tomba par terre sans connaissance. Son cheval, la bride sur le cou, s'élança d'un bond à travers champs. Moi, je sautai à terre et m'agenouillai à côté de votre père. Je posai ma main sur son cœur, épiant, attendant un signe de vie, mais tout était fini. Le dernier coup avait été fatal. Je l'entraînai vers la mare et le laissai là, gisant. Je repartis ensuite, lançant mon cheval à une allure désordonnée. Après 4 heures d'une course infernale, où je me faisais à moi-même l'effet d'un homme poursuivi par Satan, j'arrivai à Fairview juste à temps pour assister au dernier moment de Lady Courtney. Avant de rendre l'esprit, elle m'accusa d'avoir tué Walter Blake, dont elle venait d'apprendre l'assassinat par les femmes qui l'entouraient. Une heure après, elle mourait, me vouant à moi la haine, à lui un amour éternel. Maintenant, Morton, vous savez toute la vérité. Si vous voulez m'infliger la peine du talion, vous pouvez me dénoncer et me faire pendre. Les preuves que vous avez réunies contre moi me condamnent fatalement à une mort infamante, en dépit même de tout ce qui s'est passé avant le jour où je me suis vengé. Non, Sir Everard, non, je ne vous traînerai pas sur le gibet. Il y a 6 mois, votre mort seule eût pu étancher ma soif inextinguible de vengeance. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Car lui aussi était coupable. Et tout en exécrant le meurtrier, sa mort ne saurait rendre à mon père le repos de l'âme et l'espoir du pardon. Vous n'avez rien à craindre de moi. Ce n'est pas de mon côté. Qu'est pour vous le péril? Songez plutôt à la fille de Humphrey Vargas, qui n'a pas les mêmes raisons pour lâcher prise. C'est de ce côté qu'il faut veiller. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour acheter son silence, répondit Sir Everard avec calme. Cher Dulcie, adieu. Dit Morton en prenant la main de celle qui avait été sa fiancée. Croyez toujours, quoi qu'il arrive, à mon inaltérable attachement. Puis il s'éloigna, laissant le père et la fille serrés dans une mutuelle et confiante étreinte.